Se gousse et qui nuit après nuit sont tués au rêve. Le squamat te rosse et tes nuits à coups de chrysanthème. Tu essaimes la fièvre, te donne de profonds cauchemars. Fais monter la sève et les accords de guitare. Oh, terriblement puissant, les riffs te bousculent. Tu te sens impuissant. Comme un nourrisson dans un pogo survolté. J'espère que le sang va enfin s'arrêter. Erreur grossière, car ce n'est que le début. Tu essaies vocifère et tu pries pour ton salut. Le fameux théorème n'est pourtant pas complexe. QSM explore sans cesse sa zone de validité. Quand la braguette se ferme sur ton sexe, c'est toujours l'anaconda qui te fait hurler. QSM n'est pas un collectif, mais QSM est collector. Anatole n'est pas chez Vivant. Te prépare un sort. Il est temps que tu stresses, car c'est l'heure de la messe. Moi des caresses, QSM te fesse et ta graisse. QSM n'est pas un collectif, non, mais QSM est collector. QSM t'arrache tes types à coups de gros hardcore. Il faut maintenant que tu paniques. Prends tes claques et tes clics. Le squamat s'agite, te tabasse à coups de triche. QSM n'est pas un collectif, mais QSM est collector. Plus puissant qu'un gros spliff flash, violent comme Skeletor. Le squamat vocifère et prépare ton somnifère des plus rudimentaires. Un coup de batte derrière la caboche, QSM crash, shérif louche, tu te couches, t'en as pris plein la tronche. QSM est trash, aucune triche, les riffs crissent et te cassent ton grand pif de pauvre tâche. Anatole le squamat, ondule et vocifère. QSM a coup de latte, t'enrhumes et te vénère.